Le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 17 août une communication pour accuser les autorités sud-coréennes de renforcer l'alliance avec les États-Unis. Il a dit « Les autorités et fanas de guerre de l'armée de Corée du Sud prétendent le renforcement de l'alliance avec les États-Unis au moment de la pire situation de la péninsule coréenne causée par la témérité américaine pour une guerre contre notre République. » C'est jeter de l'huile sur la torche de guerre nucléaire de la bande de Trump. Le fait montre bien leur ignorance et leur servilité à l'égard des États-Unis. À présent, le monde entier s'inquiète de la manie de la bande de Trump qui prétend une guerre contre notre République et les voix s'élèvent même au sein des États-Unis. C'est dans ce contexte qu'il parle du renforcement de l'Alliance. C'est dire qu'il veut se faire troupe de choc de la guerre contre le Nord et précipiter la Corée du Sud dans les horreurs d'une guerre nucléaire. Les autorités sud-coréennes doivent faire un bon choix. Le renforcement de l'alliance et la guerre, ou la lutte anti-américaine et la paix. Si les autorités sud-coréennes continuent à flatter leurs suzerains américains et suivent aveuglément l'intention des États-Unis, sans prêter l'oreille à la demande de divers milieux et de toute la nation, elles seront punies sévèrement au nom de l'histoire.